Chapitre 2 : La déchirure. Le grand-oncle s'engouffra dans la bouche d'un escalier faiblement éclairé par des veilleuses. Les mains dans son manteau, le nez dans son écharpe, Ophélie descendit à sa suite. La température chutait de marche en marche. Ses yeux étaient encore pleins de soleil. Elle avait vraiment l'impression de s'enfoncer dans une eau noire et glaciale. Elle sursauta quand la voix bourrue du grand-oncle se répercuta en écho contre les parois. « Je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu vas partir. Le pôle, c'est vraiment l'autre bout du monde. » Il s'arrêta dans l'escalier pour se tourner vers Ophélie. Elle ne s'était pas encore accoutumée à la pénombre. Elle le percuta de plein fouet. « Dis, tu es plutôt doué en traversée de miroir. » Tu ne pourrais pas exécuter tes petits voyages du pôle jusqu'ici, des fois ? J'en suis incapable, mon oncle. Le passage des miroirs ne fonctionne qu'à petite distance. Inutile de songer à franchir le vide entre deux arches. Le grand-oncle jura en vieux patois et reprit sa descente. Ophélie se sentit coupable de ne pas être aussi douée qu'il le croyait. J'essaierai de venir vous voir souvent, promit-elle d'une petite voix. « Tu pars quand, au juste ?»« En décembre, si j'en crois les doyennes. » Le grand-oncle jura encore. Ophélie fut contente de ne rien comprendre à son patois. « Et qui va te succéder au musée ? » maugréa-t-il. « Il n'y en a pas deux comme toi pour expertiser les antiquités. » À cela, Ophélie ne trouva rien à répondre. Qu'elle fût arrachée à sa famille, c'était déjà une déchirure en soi. Mais qu'elle fût arrachée à son musée, le seul endroit où elle se sentait pleinement elle-même, c'était perdre son identité. Ophélie n'était bonne qu'à lire. Si on lui retirait ça, il ne restait d'elle qu'une empotée. Elle ne savait ni tenir une maison, ni faire la conversation, ni accomplir une tâche ménagère sans se blesser. « Je ne suis apparemment pas si irremplaçable, » murmura-t-elle dans son écharpe. Dans le premier sous-sol, le grand-oncle changea ses gants habituels pour des gants propres. À la lumière des veilleuses électriques, il fit coulisser ses casiers pour éplucher les archives, déposées génération après génération sous la voûte froide des caves. Il expulsait de la buée entre ses moustaches à chaque respiration. « Bon, ce sont les archives familiales, alors ne t'attends pas à des miracles. Je sais qu'un ou deux de nos ancêtres ont déjà posé le pied dans le Grand Nord, mais ça remonte fichtrement. » Ophélie moucha une goutte qui lui pendait au nez. Il ne devait pas faire plus de 10 degrés ici. Elle se demanda si la maison de son époux serait plus froide encore que cette salle d'archives. « J'aimerais voir Augustus, » dit-elle. C'était évidemment une façon de parler. Augustus était mort bien avant la naissance d'Ophélie. Voir Augustus signifiait voir ses croquis. Augustus avait été le grand explorateur de la famille, une légende à lui tout seul. À l'école, on enseignait la géographie à partir de ses carnets de voyage. Il n'avait jamais écrit une ligne. Il ne maîtrisait pas son alphabet. Mais ses dessins étaient une mine d'informations. Comme le grand-oncle ne répondait pas, plongé dans ses casiers, Ophélie crut qu'il ne l'avait pas entendu. Elle tira sur l'écharpe qui lui enveloppait le visage et répéta d'une voix plus forte « J'aimerais voir Augustus. »« Augustus ? » mâchonna-t-il sans la regarder. « Pas intéressant. Trois fois rien. Juste de vieux barbouillages. » Ophélie haussa les sourcils. Le grand-oncle ne dénigrait jamais ses archives. « Oh ! » lâcha-t-elle. « C'est épouvantable à ce point. » Avec un soupir, le grand-oncle émergea du tiroir grand ouvert devant lui. La loupe qu'il avait coincée sous son sourcil lui faisait un œil deux fois plus gros que l'autre. « Travée numéro 4, à ta gauche, étagère du bas. N'abîme rien, s'il te plaît, et mets des gants propres. » Ophélie longea les casiers, s'agenouilla à l'endroit indiqué. Il y avait là tous les originaux des carnets de croquis d'Augustus classés par arche. Elle en trouva 3 à Al-Andalouse, 7 à Cité et près de 20 à Sérénissime. À Pôle, elle n'en trouva qu'un seul. Ophélie ne pouvait pas se permettre d'être maladroite avec des documents de cette valeur. Elle le posa sur un pupitre de consultation et tourna précautionneusement les pages de dessin. Des plaines pâles à fleurs de roche, un fjord prisonnier de la glace, des forêts de grands sapins, des maisons engoncées dans la neige. Ces paysages étaient austères, oui, mais moins impressionnants que l'image qu'Ophélie s'était faite du pôle. Elle les trouvait même assez beaux d'une certaine façon. Elle se demanda où son fiancé vivait, au milieu de tout ce blanc. Près de cette rivière bordée de cailloux, dans ce port de pêche perdu sous la nuit, sur cette plaine envahie par la toundra. Cette arche avait l'air tellement pauvre, tellement sauvage. En quoi son fiancé pouvait-il être un si bon parti? Ophélie tomba sur un dessin qu'elle ne comprit pas. Ça ressemblait à une ruche, suspendue dans le ciel, probablement une esquisse. Elle tourna encore quelques pages et vit un portrait de chasse. Un homme posait fièrement devant un immense tas de fourrure. Les poings sur les hanches, il avait retroussé ses manches de façon à montrer ses bras puissamment musclés, tatoués jusqu'au coude. Il avait le regard dur et les cheveux clairs. Les lunettes d'Ophélie devinrent bleues quand elle comprit que le tas de fourrure derrière lui n'était en fait qu'une seule et même fourrure, celle d'un loup mort. Il était grand comme un ours. Elle tourna la page. Cette fois, le chasseur se tenait au milieu d'un groupe. Ils posaient ensemble devant un amoncellement de bois, des bois d'élan sans doute, sauf que chaque crâne faisait la taille d'un homme. Les chasseurs avaient tous le même regard dur, les mêmes cheveux clairs, les mêmes tatouages sur les bras, mais aucune arme sur eux, à croire qu'ils avaient tué les animaux de leurs mains. Ophélie feuilleta le carnet et retrouva ces chasseurs qui posaient devant d'autres carcasses, des morses, des mammouths et des ours, tous d'une taille invraisemblable. Ophélie referma lentement le carnet et le rangea à sa place. Des bêtes, ces animaux frappés de gigantisme. Elle en avait déjà vu dans des imagiers pour enfants. Mais cela n'avait rien à voir avec les croquis d'Augustus. Son petit musée ne l'avait pas préparé à cette vie-là. Ce qui la choquait par-dessus tout, c'était le regard des chasseurs, un regard brutal, arrogant, habitué à la vue du sang. Ophélie espérait que son fiancé n'aurait pas ce regard-là. « Alors ?» demanda le grand-oncle quand elle revint vers lui. « Je comprends mieux vos réticences, » dit-elle. Il reprit ses recherches de plus belle. « Je vais te trouver autre chose, » grommela-t-il. « Ces croquis, ils sont quand même vieux de 150 ans, et puis ils ne montrent pas tout. » C'était justement ce qui inquiétait Ophélie. Ce qu'Augustus ne montrait pas. Elle n'en dit rien toutefois et se contenta de hausser les épaules. Un autre que son grand-oncle se serait mépris sur sa nonchalance et l'aurait confondu avec une certaine faiblesse de caractère. Ophélie semblait tellement placide derrière ses rectangles de lunettes et ses paupières mi-closes qu'il était presque impossible de deviner que des vagues d'émotions s'entrechoquaient violemment dans sa poitrine. Les croquis de chasse lui avaient fait peur. Ophélie se demanda si c'était réellement cela qu'elle était venue chercher ici, aux archives. Un appel d'air souffla entre ses chevilles, soulevant mollement sa robe. Cette brise venait de la bouche d'escalier qui descendait vers le deuxième sous-sol. Ophélie fixa un moment le passage barré d'une chaîne où se balançait le panneau d'avertissement interdit au public. Il y avait toujours un courant d'air qui traînait dans les salles des archives, mais Ophélie ne put s'empêcher d'interpréter celui-là comme une invitation. Le deuxième sous-sol réclamait sa présence, maintenant. Elle tira sur le manteau de son grand-oncle, perdu dans ses rapports, les fesses sur son escabelle. « M'autoriseriez-vous à descendre ?»« Tu sais bien que je n'ai normalement pas le droit, » marmonna le grand-oncle avec un froissement de moustache. « C'est la collection privée d'Artémis. Seuls les archivistes y ont accès. Elle nous honore de sa confiance. Nous ne devons pas en abuser. »« Je n'ai pas l'intention de lire les mains nues, rassurez-vous, » promit Ophélie en lui montrant ses gants. « Et puis, je ne vous demande pas la permission en tant que petite nièce. Je vous la demande en tant que responsable du musée familial. »« Oui, oui, je connais la ritournelle, » soupira-t-il. « C'est ma faute aussi. J'ai trop d'étain sur toi. » Ophélie décrocha la chaîne et descendit l'escalier, mais les veilleuses ne se mirent pas en marche. « Lumière, s'il vous plaît !» demanda Ophélie, plongée dans l'obscurité. Elle dut le répéter plusieurs fois. Le bâtiment des archives désapprouvait cette nouvelle entorse au règlement. Il finit par allumer les veilleuses à contre-cœur. Ophélie dut se contenter d'un éclairage clignotant. La voix du grand-oncle se répercuta de mur en mur jusqu'au deuxième sous-sol. « Tu ne touches qu'avec les yeux, hein ? Je me méfie de ta maladresse comme de la petite vérole !» Main au fond des poches, Ophélie s'avança dans la salle voûtée d'ogives. Elle passa sous un fronton où était gravée la devise des archivistes « Artémis, nous sommes les gardiens respectueux de ta mémoire ». Bien à l'abri sous leurs cloches de verre, les reliquaires s'étendaient à perte de vue. Si elle tenait parfois de l'adolescente mal grandie, avec ses longs cheveux indomptés, ses mouvements gauches et sa timidité tapis derrière ses lunettes, Ophélie se coulait dans une autre peau en présence de l'histoire. Toutes ses cousines prisaient les jolis salons de thé, les promenades au bord du fleuve, les visites aux zoos et les salles de bal. Pour Ophélie, le deuxième sous-sol des archives était le lieu le plus fascinant du monde. C'est là qu'était jalousement conservé, bien à l'abri, sous des cloches de protection, l'héritage commun de toute la famille. Ici reposaient les documents de la toute première génération de l'Arche. Ici avaient échoué les lendemains de l'an zéro. Ici, Ophélie s'approchait au plus près de la déchirure. La déchirure. C'était son obsession professionnelle. Elle rêvait parfois qu'elle courait après une ligne d'horizon qui se dérobait toujours à elle. Nuit après nuit, elle allait de plus en plus loin, mais c'était un monde sans fin, sans cassure, rond et lisse comme une pomme. Ce premier monde dont elle collectionnait les objets dans son musée, machine à coudre, moteur à explosion, presse à cylindre, métronome. Ophélie n'éprouvait aucune inclination pour les garçons de son âge, mais elle pouvait passer des heures en tête à tête avec un baromètre de l'ancien monde. Elle se recueillit devant un vieux parchemin protégé sous verre. C'était le texte fondateur de l'Arche, celui qui avait lié Artémis et sa descendance à Anima. Le reliquaire suivant renfermait la première mouture de leur arsenal juridique. On y retrouvait déjà les lois qui avaient attribué aux mères de famille et aux matriarches un pouvoir décisif sur l'ensemble de la communauté. Sous la cloche d'un troisième reliquaire, un codex reprenait les devoirs fondamentaux d'Artémis envers sa descendance, veiller à ce que chacun mangeât à sa faim, eût un toit pour s'abriter, reçût une instruction, apprit à faire un bon usage de son pouvoir. En lettres capitales, une clause spécifiait qu'elle ne devait ni abandonner sa famille, ni quitter son arche. Était-ce Artémis qui s'était dicté à elle-même cette ligne de conduite afin de ne pas se relâcher au fil des siècles? Ophélie se promena ainsi de reliquaire en reliquaire. Au fur et à mesure qu'elle plongeait dans le passé, elle sentit un grand calme descendre sur elle. Elle perdait un peu l'avenir de vue. Elle oubliait qu'on la fiançait contre son gré. Elle oubliait le regard des chasseurs. Elle oubliait qu'on l'enverrait bientôt vivre loin de tout ce qui lui était cher. Le plus souvent, les reliquaires étaient des documents manuscrits de grande valeur, tels que les cartographies du Nouveau Monde ou l'acte de naissance du premier enfant d'Artémis, l'aîné de tous les animistes. Pour quelques-uns néanmoins, il s'agissait d'objets banals de la vie quotidienne. Des ciseaux à cheveux qui cliquetaient dans le vide, une grossière paire de besicles aux couleurs changeantes, un petit livre de contes dont les pages tournaient toutes seules. Ils n'étaient pas de la même époque, mais Artémis tenait à ce qu'ils fissent partie de sa collection à titre symbolique. Symbolique de quoi? Même elle ne s'en souvenait plus. Les pas d'Ophélie la dirigèrent d'instinct vers une cloche de verre sur laquelle elle posa respectueusement la main. Un registre y tombait en décomposition et son encre avait été pâlie par le temps. Il faisait le recensement des hommes et des femmes qui s'étaient ralliés à l'esprit de famille pour fonder une nouvelle société. Ce n'était en fait qu'une liste impersonnelle de noms et de chiffres, mais pas n'importe lesquels. ceux des survivants de la déchirure. Ces gens avaient été témoins de la fin de l'Ancien Monde. Ce fut à cet instant qu'Ophélie comprit, avec un petit choc dans la poitrine, quel était cet appel qui l'avait attiré aux archives du grand-oncle, au fond du deuxième sous-sol, devant ce vieux registre. Ce n'était pas le simple besoin de se documenter, c'était retourner aux sources. Ses lointains ancêtres avaient assisté à la dislocation de leur univers. S'étaient-ils laissés mourir pour autant? Non, ils s'étaient inventé une autre vie. Ophélie glissa derrière ses oreilles les mèches de cheveux qui lui roulaient sur le front pour se dégager le visage. Ses lunettes s'éclaircirent sur son nez, dispersant la grisaille qui s'y était accumulée depuis des heures. Elle était en train de faire l'expérience de sa propre déchirure. Elle avait toujours la peur au ventre, mais elle savait maintenant ce qu'il lui restait à faire. Elle devait relever le défi. Sur ses épaules, l'écharpe se mit à remuer. « Tu te réveilles enfin !» la taquina Ophélie. L'écharpe roula mollement le long de son manteau, changea de position, resserra ses anneaux autour de son cou et ne bougea plus. C'était une très vieille écharpe. Elle passait son temps à dormir. « On va remonter !» lui dit Ophélie. « J'ai trouvé ce que je cherchais. » Alors qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, elle tomba sur le reliquaire le plus poussiéreux, le plus énigmatique et le plus dérangeant de toute la collection d'Artémis. Elle ne pouvait pas partir sans lui faire ses adieux. Elle tourna une manivelle et les deux plaques du dôme protecteur glissèrent l'une et l'autre dans un sens opposé. Elle coucha sa paume gantée sur la reliure d'un livre, le livre, et fut envahie par la même frustration qu'elle avait ressentie la première fois à ce contact. Elle ne pouvait lire la trace d'aucune émotion, d'aucune pensée, d'aucune intention, d'aucune origine. Et ce n'était pas seulement à cause de ses gants, dont la trame spéciale dressait un barrage entre ses dons de liseuse et le monde des objets. Non, Ophélie avait déjà palpé une fois le livre les mains nues, comme d'autres liseurs avant elle, mais il refusait de se révéler, tout simplement. Elle le prit dans ses bras, caressa sa reliure, fit rouler les pages souples entre ses doigts. Il était entièrement parcouru d'étranges arabesques, une écriture oubliée depuis très longtemps. Jamais de sa vie, Ophélie n'avait manipulé quelque chose se rapprochant d'un tel phénomène. Était-ce seulement un livre, après tout? Ça n'avait ni la consistance du vélin, ni celle du papier chiffon. C'était terrible à admettre, mais ça ressemblait à de la peau humaine, vidée de son sang, une peau qui bénéficierait d'une longévité exceptionnelle. Ophélie se posa alors les questions rituelles qu'elle partageait avec de nombreuses générations d'archivistes et d'archéologues. Quelle histoire racontait cet étrange document? Pourquoi Artémis tenait-elle à ce qu'il figura dans sa collection privée? Et à quoi rimait ce message gravé dans le socle du reliquaire? N'essayez sous aucun prétexte de détruire ce livre. Ophélie emporterait toutes ses interrogations avec elle, à l'autre bout du monde, là où il n'y avait ni archives, ni musées, ni devoirs de mémoire, rien qui la concernât, du moins. La voix du grand-oncle résonna le long de l'escalier et rebondit longtemps sous la voûte basse du deuxième sous-sol en un écho fantomatique. « Remonte ! Je t'ai dégoté un petit quelque chose !» Ophélie posa une dernière fois sa paume sur le livre et referma le dôme. Elle avait fait ses adieux au passé, en bonne et due forme. Place à l'avenir, maintenant.